pourrais avoir le sourire. Les gens aiment bien les sourires. Faudrait avoir l'air heureux. Les gens aiment les gens heureux. Et si t'es beaucoup trop triste, faut que t'arrêtes de nous faire chier. Que tu sois poli, les gens polis. Faudrait que tu sois sympa, les gens sympas. Si tu veux tous les frapper, oh, que t'arrêtes de nous faire chier.